radios associatives qui relayent les luttes. Bah, en fait, je trouvais ça cool qu'il y ait un cortège gilet jaune au début de, en tête de cortège. C'est assez nouveau et c'est bien. Non, c'est nouveau, oui et non. Il y a toujours cortège gilet jaune au milieu des syndicats. Mais bien souvent, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément les premiers. Ouais. Donc là, c'est plutôt sympathique. Et on est là pour mettre l'ambiance en plus. Ouais, bah, ouais, y a des beaux chants, il y a de la détermination, ça fait plaisir. Il y a des slogans, il y a des... Voilà. Donc ouais. On n'est pas là pour foutre la merde, comme diraient les autres. On est vraiment là parce qu'on en a ras le cul de crever la gueule ouverte alors qu'on est des travailleurs. Et en fin de compte, on est des travailleurs pauvres et on en a marre de se faire enfler. Donc voilà. Là, je crois que la gronde monte et on n'en peut plus, quoi. Donc faut juste l'entendre. Ton prénom, c'est quoi ? Virginie. Merci Virginie. De rien. Bonne manif. À toi aussi.